Kassem mène des opérations pour les services de renseignement français. De Bamako à Genève, de Beyrouth à Tanger, il a vu des régimes tomber, des peuples se relever et des hommes mourir. Mariam est irakienne et archéologue. Elle tente de sauver le patrimoine artistique des zones dévastées par la guerre au Moyen-Orient. Elle cherche sans fin la trace de ces objets pillés. Écoutez nos défaites, de Laurent Godet. Extrait choisi par Juliette Eman. Deuxième épisode. Dans l'aérogare de Roissy, Hassem Graieb repense à la réunion qu'il a eue avec Auguste à Zurich et à l'homme des services américains qui était avec eux, Dan Kovac. Il se souvient de la phrase avec laquelle la discussion a débuté. « Nous avons un souci avec un de nos hommes », a dit Kovac. Puis il a sorti une enveloppe et exhibé des photos. Sullivan Sicko, 41 ans, ancien SEAL Team 6, un homme de MacRogan. C'est une photo qui a été prise 2 jours avant son départ pour une mission dans le nord de l'Afghanistan. Ça s'est mal passé là-bas, il est revenu en 1000 morceaux, a expliqué Dan Kovac. Hassem a regardé calmement le visage de Sullivan Sicko sans rien dire. Elle est arrivée à Paris le matin même. Dans 2 jours, elle doit être à Bagdad. Le président irakien a décidé de la réouverture du musée national, fermé depuis des années. Elle n'aura pas le temps de profiter de Paris, pas le temps non plus de repenser à son séjour à Zurich et à l'homme qu'elle y a rencontré. Sa vie est faite ainsi, rapide, dense, souffle court. Elle se sent portée par l'enthousiasme. Le musée va rouvrir. Cela fait des années qu'elle traque les objets volés de par le monde. C'est un travail patient, têtu, qu'elle a mené avec rage. Elle se souvient encore du jour où elle a assisté, impuissante, au sac du musée. Sa vocation est peut-être née là, dans ces heures de rage où elle et ses camarades contemplaient les allées et venues des pilleurs. Pas sa vocation d'archéologue, mais celle de chercheuse d'objets volés. Elle essaie de se souvenir maintenant des centaines d'heures qu'elle a passées depuis à chercher la trace de ces mosaïques, ces statues, ces vases dérobés. Un long combat de 12 ans. Mais dans quelques jours, elle sera récompensée. Le musée national va rouvrir et les objets seront à nouveau à leur place. Dans le hall de l'aéroport, Hassem se souvient de la voix de Dan Kovac lorsque ce dernier lui a montré la photo. Il a expliqué que Sullivan Sicko avait disparu. Il ne donnait plus signe de vie à personne. Les Américains savaient qu'il était à Beyrouth. Et Kovac a alors sorti une autre photo. « Voici la seule photo récente que nous ayons de lui. Elle date de 3 mois », a-t-il dit. Dessus, Sicko avait maigri et s'était laissé pousser les cheveux et la barbe. Dan Kovac s'est mis à parler. Il avait l'air gêné. Il a expliqué que la situation était un peu embarrassante pour eux. Que Sullivan Sicko s'était mis à faire différents trafics avec différentes personnes, des objets d'art volés sur les sites archéologiques, des armes aussi. Il a dit qu'ils avaient besoin de savoir dans quel état d'esprit il était réellement. Hassem se souvient parfaitement de cette expression, dans quel état d'esprit il est vraiment. Et puis Kovac a ajouté, c'est un homme des unités d'élite. Il était à Abbottabad en 2011. C'est un gars solide et qui sait beaucoup de choses. Le silence est retombé. Hassem a alors essayé d'imaginer cet homme lors du fameux assaut qui avait mené à la mort de Ben Laden. Il a fallu qu'Auguste pose la question, demande explicitement ce que les Américains attendaient de leurs homologues français pour que Dan Kovac finisse par lâcher. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez l'approcher et l'évaluer. Hassem a relevé la tête, surpris. L'évaluer ? Ce n'est pas pour cela qu'on l'utilise d'habitude. Kovac a ajouté qu'il s'en remettait à son discernement. Il s'agissait simplement de savoir si Sicko était récupérable. « Et s'il ne l'est pas ?» a demandé Auguste. L'Américain a marqué un temps. « Alors, nous vous serions très reconnaissants d'organiser sa neutralisation. » Elle pense à cet homme, Hassem Graieb. Ils se sont croisés le temps d'une nuit et ne se reverront probablement plus jamais. Chacun retourne à sa vie, à son hasard. Elle a retrouvé ce qu'elle est, son emploi du temps, son bureau, le voyage à Bagdad pour l'ouverture du musée, sa maladie aussi. Elle s'affaire, ramasse ses dossiers, et puis, au moment où elle va quitter les locaux de l'UNESCO, sa collègue Christine entre dans son bureau, le visage livide. « Mariam, tu as vu les infos ?» Elle ne répond pas, serre les lèvres, sent déjà que ce qui va lui être annoncé lui fera mal. « Il faut que tu vois ça. Ils ont pris Mossoul. » C'est comme une gifle. D'abord, elle reste incrédule. Puis sa collègue l'amène devant une télévision et toutes deux regardent, hébétées, les images sur une chaîne d'information. Des colonnes de pick-up avancent sur les routes du nord de l'Irak, avec de longs drapeaux noirs accrochés à l'arrière. Des hommes qui ont fait allégeance à la mort se pavanent devant des caméras. Quelque chose commence. Elle sent que ces hommes marchent sur elle. Qu'ils ne la laisseront pas indemne. Qu'ils se sont levés du fin fond de l'obscurité, l'arme au poing, pour renverser ce qu'elle construit patiemment depuis des années. Elle sent que tout ce en quoi elle croit est en danger face à eux. Et elle pense immédiatement aux objets du musée de Mossoul. Il prend place dans l'avion. Il regarde par la vitre. Un homme l'attend là-bas, qu'il va peut-être devoir tuer. Ce n'est pas cela qui lui fait le plus peur. Ce qu'il redoute, c'est qu'il va falloir lui parler, l'écouter, échanger avec lui pour pouvoir se faire une idée. Qu'est-ce qu'il soupèsera chez cet homme pour choisir s'il doit mourir ou pas? Est-ce que se livrer à des trafics d'objets d'art est une raison suffisante? Il réfléchit à l'entretien de Zurich. Avant de partir, Dan Kovac a ajouté que Siko s'était entouré d'une petite bande hétéroclite, un drôle de ramassis, pas vraiment politique ni religieux non plus. Une dizaine d'hommes en tout, sur lesquels Siko règne comme un chef de guerre. Il a dit aussi que l'Américain se faisait appeler Job. Il pense à cet homme vers lequel il va et qui ne le connaît pas encore. Est-ce qu'il sait qu'on lui envoie quelqu'un pour essayer de le cerner? Oui, il doit bien le savoir. Sullivan Siko. Plus il y réfléchit, plus il lui semble le connaître. Ils sont pareils. Ils ont été formés au même combat. Ils ont obéi aux mêmes ordres, couru les mêmes risques, eu peur dans les mêmes épreuves. Ils ont vu tous les deux ce que l'homme peut faire à l'homme, le pire. Sullivan Siko. Oui, il le connaît. Le vent souffle et emporte l'avion qui décolle dans un grondement de réacteur. Paris s'éloigne en quelques secondes. Il est entre ciel et terre, avec pour seul compagnon cet homme qui n'est encore qu'un nom mais qu'il a hâte de rencontrer. Elle a pleuré lorsqu'elle a vu les images du musée de Mossoul que diffusaient en boucle les chaînes d'information. Un homme en dige d'achat avec une disqueuse à la main qui s'en prend au grand colosse ailé. D'autres qui frappent une statue avec un maillet. Elle a mis la main sur sa bouche, comme si elle allait crier ou vomir. Elle sait pourtant la violence de ces hommes qui tuent, violent, pillent. Elle sait que son pays se disloque sous l'avancée de cette armée au drapeau noir qui brandit le nom d'Allah, mais n'est qu'un visage de plus de l'obscurantisme de toujours, celui qui n'aime ni le savoir, ni la liberté des peuples, ni les femmes, ni les champs. Sur les images qu'il diffuse, on aperçoit le chaos du musée. Les objets sont renversés, les vitrines cassées. On saisit des objets que l'on fourre dans des poches. D'autres sont jetés à terre au cri de « Allahu Akbar », bris d'éternité, tristesse de quelques secondes qui suffisent à anéantir des vases, des statues qui avaient survécu à des siècles. Celui qui renverse les jarres et frappe les statues, c'est le temps lui-même qu'il croit soumettre. Oh, le long chemin qu'il a fallu pour que ces objets nous parviennent. Tous ces hommes qui ont creusé, réfléchi, cherché, échoué et cherché encore. Toutes ces mains anonymes qui ont donné des coups de pioche, qui ont soulevé la poussière et le sable, puis caresser de leurs mains des objets que l'on venait d'extraire pour les tendre au chef des fouilles. Tous ces objets patiemment dépoussiérés, pesés, observés, dont les siècles ont pris soin et qui finissent là, jetés contre les murs. Allahu Akbar. Comment peuvent-ils prononcer ces mots quand il n'est question que de laideur et d'ivresse de détruire ? La chaleur de Beyrouth l'a saisie dès la sortie de l'aérogare, épaisse, chargée de l'air salé de la mer, porteuse du capharnaüm des embouteillages et du cri des gamins des quartiers sud. Dans le taxi qui le menait à son hôtel, il a contemplé avec avidité les rues, scrutant les changements de cette ville qu'il connaît depuis 15 ans. Les immeubles qui ont fini par s'effondrer d'épuisement, les nouveaux qui ont poussé comme de grandes fleurs de verre avec fontaines et marbre. Tout est là, chrétiens et musulmans, visage pauvre et sourire cosmopolite. Il aime cette ville plus que tout autre, sa violence épaisse, vieille comme une vendetta des montagnes, sa nervosité dans les rues de Hamra et son calme majestueux le matin, sur les restaurants de la Corniche où l'on peut prendre le petit déjeuner face à la mer. Elle a pleuré, dans son bureau de l'UNESCO. Les images étaient toujours les mêmes et le dégoût toujours nouveau. Elle sait qu'elle doit s'y rendre. Et c'est ce que lui dit également la chef du patrimoine. S'il y a quelqu'un qui doit être là-bas en ce moment, c'est toi. Tant pis pour l'inauguration du musée de Bagdad. Tu seras plus utile là-bas. Il y a peut-être encore des objets à sauver. Mariam sait que c'est juste, qu'il faut qu'elle fasse vite. Alors elle n'hésite pas, rassemble ses affaires et prend un avion pour Erbil. Il aime cette ville qui hésite sans cesse, ne sachant si elle doit tout raser pour se reconstruire ou tout conserver pour que les blessures du passé soient visibles et servent de leçon aux générations à venir. Qui hésite toujours et ne choisit jamais, car avant qu'elle n'ait le temps de le faire, elle est reprise par ses démons et se mord à nouveau avec voracité, saigne et se met en lambeaux. Elle survole ces terres de guerre, entre Mossoul et Erbil. Ces terres qui n'ont pas cessé de saigner. Ces terres où depuis des siècles des peuples fuient la guerre et des empires s'affrontent. Sa vie à elle consiste à creuser, exhumer, préserver. À quoi bon si le monde brûle ? Est-ce qu'elle ne devrait pas plutôt saisir un fusil pour tenter d'endiguer l'avancée des tueurs ? Toutes ces questions tournent en elle. Elle sait bien que non, que c'est absurde. Elle sait bien qu'elle lutte à sa manière, mais elle ne peut s'empêcher de repenser à l'homme à la disqueuse. Et si elle l'avait devant elle, est-ce qu'elle serait prête à le tuer pour protéger le grand colosse ? Il a commandé un café blanc. Il observe chaque passant, chaque voiture qui surgit. Il essaie de profiter de ces instants parce qu'il sait que ce sont les derniers instants calmes qu'il va connaître avant longtemps. Mais son corps est déjà tendu. Il se récite à lui-même des vers de Mahmoud Darwish pour repousser le moment où il sera à nouveau un professionnel des services français, un agent à qui l'on confie depuis 10 ans des missions d'élimination, ici au Moyen-Orient ou dans le Sahel. Mourras-tu à Beyrouth ? Mais il ne se souvient plus de la suite. Son esprit est trop attiré par les passants. Il sent la tension monter en lui. L'Institut français d'Erbil, sur la demande de l'UNESCO, a mis un petit bureau à sa disposition. Il y fait chaud, mais elle est heureuse d'avoir un endroit où elle peut mener ses entretiens. Dans le couloir, les hommes qui étaient là sont partis. Peut-être ont-ils entendu qu'elle ne pouvait rien pour les réfugiés et sont-ils allés tenter leur chance devant une autre porte. Il ne reste qu'un vieux monsieur, avec une barbe blanche, bien taillée, portant une veste trop chaude vu la température qui règne dans le couloir. Lorsqu'il entre, il le fait avec timidité. Elle le salue, lui demande s'il habite Mossoul. Il acquiesce. « Vous savez que je ne m'occupe pas des réfugiés. Je travaille pour les musées irakiens. » Il la regarde avec une certaine expression dans les yeux, comme s'il allait avouer une faute. « J'habite en face du musée, » dit-il d'une voix douce. Des fois, le gardien me donne la clé lorsqu'il sait qu'il ne pourra pas être là pour l'ouverture du matin. Cela arrive rarement, mais il a parfois quelques empêchements. Vous savez quelque chose sur ce qu'ils ont fait ? Je les ai vus arriver, de ma fenêtre. Ils sont arrivés avec 3-4-4 et des haut-parleurs. Ils ont proclamé qu'ils prenaient possession de la ville, que les œuvres de ce musée étaient impies. Ils sont entrés plusieurs. On a entendu beaucoup de bruit à l'intérieur. Je crois qu'ils ont tout cassé. Est-ce que vous les avez vus sortir des pièces du musée ? Non. Il hésite encore. Puis, avec une voix presque peureuse, il ajoute « Mais moi, j'ai pris cela. » Et il sort de la poche de sa veste un petit paquet de tissu qu'il pose sur la table. Elle le regarde. Il baisse les yeux. Elle ouvre délicatement le paquet. À l'intérieur, une paire de boucles d'oreilles de la période sumérienne. J'y suis passée le soir. Il y avait encore des gardiens devant, mais je connais un chemin qui mène derrière, à la salle de réunion. Je n'ai pas été jusqu'à la salle du musée. J'avais trop peur. Mais dans les couloirs, il y avait beaucoup de bris de vase. Et cela, je l'ai pris. Pas pour moi, vous comprenez ? Mais je pensais que ça ne devait pas rester là-bas. Elle le remercie, lui dit l'importance de son geste. Elle lui répète qu'il a bien fait et loue son courage. Il se lève, encore un peu gêné, puis disparaît sans rien demander. Il cherche encore dans sa mémoire. Beyrouth, la nuit, pas de nuit plus dense que celle-ci. Et il se souvient de Mahmoud Darwish qu'il était allé voir une fois, lors d'un passage à Paris du poète palestinien. Il s'était présenté, avait hésité, fallait-il inventer une identité, dire qu'il était libraire, professeur ou autre chose. Il se souvient encore de cela, les secondes où il s'était approché, le regard de cet homme sur lui, et alors il avait su qu'il ne mentirait pas. Il avait tendu la main en disant « Monsieur Darwish, je travaille pour les services français, mais je voudrais savoir si vous accepteriez de parler poésie un court instant avec moi. » Et l'homme n'avait pas frémi, ni même paru surpris. Il avait montré de la main le fauteuil en face de lui. Hassem s'était assis et ils avaient parlé. Ils avaient parlé sans que Darwish ne lui demande rien sur ce qu'il était. Juste au moment de se quitter, lorsqu'ils se serraient la main, cette phrase que le poète palestinien lui avait dite, les yeux plantés dans les siens, « Ne laissez pas le monde vous voler les mots. » Il le revoit là, avec ce visage de pierre, et c'est la première fois qu'il y repense. C'était des années plus tôt, et il doit bien avouer qu'il a laissé le monde lui voler les mots. Il n'a été question que de gestes. L'action, qui s'empare de tout, ne laisse plus de place à rien. L'action, avec son ivresse et son intensité, qui rend tout si fade en comparaison. À quoi avaient-ils servi, les mots, dans cette foule sur la route entre Sirte et Misrata, tandis qu'il serrait son 9 mm, prêt à tirer si la situation devenait incontrôlable, et le visage de Kadhafi, là, à quelques mètres de lui, apparaissant et disparaissant au gré des mouvements de la foule. À quoi avait-il servi, alors que personne n'entendait plus que les cris, les tirs, la joie sauvage de la foule ? Plus personne n'était en état ni de les prononcer ni de les écouter, et Kadhafi ressemblait à un boxeur au sol ou à une femme battue. Seuls s'entendaient les cris de la foule qui se bousculait et les tirs de Kalachnikov en l'air pour fêter la prise du dictateur. Il sent qu'il va les perdre à nouveau, les mots. Dans quelques minutes, quelqu'un va surgir, armé sûrement, et l'emmener jusqu'à l'endroit où se cache Job. Elle retourne à son bureau, s'assoit et pleure. Elle pense à ses objets, ceux qui seront sauvés, ceux qui sont déjà détruits, ceux qui disparaîtront pendant des années, puis ressurgiront dans une vente aux enchères à Londres ou à Singapour. Cette lutte qui semble si vaine, préserver des objets quand le monde tout autour brûle et se déchire. Cette lutte, vouée à la défaite, sûrement, qui cherche à arracher du néant ce qui, immanquablement, y retournera. Elle pense alors à Hassem, à qui elle a donné la statue de Bess. Où est-il maintenant ? Peut-elle imaginer qu'ayant trouvé la statue à son départ de Zurich, il l'a sortie avec précaution et l'a caressée comme s'il caressait la part sacrée du temps ? Peut-elle imaginer qu'il est parti au Liban en se jurant de revenir à la statue lorsqu'il se serait acquitté de sa mission ? Peut-elle imaginer qu'il roule dans une voiture, à Beyrouth, plongeant dans le danger ? Elle regarde les boucles d'oreilles sumériennes. Elle les touche, essayant d'imaginer la femme qui la première les porta, ce long fil vertigineux qui la relie, elle, aujourd'hui, dans cette ville en chaos, à l'habitante lointaine de Dour-Charoukin. Et elle sait que les objets les regardent comme Bess, le dieu nain, regarde maintenant l'homme qu'elle a aimé, où qu'il soit, et l'accompagne dans le danger. Ils montent dans la voiture. Depuis le rendez-vous de Zurich avec Auguste et Dan Kovac, tout l'amenait à cet instant, le moment où il monte à l'arrière de cette voiture, acceptant de remettre sa vie entre les mains de ces hommes et femmes qu'il ne connaît pas, qui le regardent avec méfiance. L'un d'entre eux le fouille, soulève sans ménagement sa chemise pour vérifier qu'il ne porte rien à la ceinture. Tout cela se fait très vite. Les mots ne sont plus là. Personne ne parle. La voiture démarre. Il n'a pas peur. Il a fait cela tant de fois. Mais il lui semble quitter un monde qu'il connaît, celui des missions, des assassinats ciblés, des opérations secrètes, pour plonger dans autre chose. Il a le sentiment de s'enfoncer dans des terres barbares, laissant derrière lui les torches du dernier camp scintillé et l'épais silence d'un monde animal l'entourait tout à fait. Mettez à sac les villages. Hannibal regarde, du haut de la colline où il a planté son campement, les monts harmonieux de Toscane dans cette lumière douce de fin de journée. Tout est beau ici. Les vignes à flanc de coteaux, les cyprès qui ponctuent les champs. Tout est opulent et paisible. Ces hommes hésitent, le regardent. Ont-ils bien compris son ordre? Ils voient leur incrédulité, alors ils répètent. Dites à vos hommes de tout mettre à sac. Il sait ce que cela veut dire. Il sait la rudesse des frondeurs des baléares qui défonceront les portes et se jetteront sur tout, femmes, bêtes, vins, pour satisfaire un appétit de siècle, pour faire oublier les privations des Alpes et les morsures du soleil des glaciers. Il sait que cela sera laid, que les robes vont être déchirées dans la boue, que des maisons seront incendiées et des villages rasés. Mais c'est la région de Flaminius, le commandant des légions romaines, et il faut le défier. Le piquer, lui faire perdre son sang-froid. Certains hommes font la guerre à condition qu'elle ne les touche pas. Ils acceptent de mettre leur vie dans la balance, oui, mais pas celle de leurs femmes, de leurs enfants, pas les caves pleines d'amphores d'huile et de vin de leur région, pas les belles bâtisses dont ils ont hérité. Flaminius est de cela. Hannibal le sent. Il va mettre à feu et à sang cette région, et le Romain perdra son sang-froid et sa clairvoyance. C'était Écoutez nos défaites de Laurent Godet. Extrait choisi par Juliette Eman. Deuxième épisode. Avec Elsa Le Poivre, Mariam, Éric Herson-Macarel, Assem, Damien Houssier, Hannibal, et la voix de Julie Pouillon. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Musique originale, Dominique Massa. À la trompette, Martin Saccardi. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Bastien Varigo. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Juliette Eman. Écoutez nos défaites de Laurent Godet est publié aux éditions Actes Sud.